France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Disparu en 2015, Pierre Janssen était né en 1930 comme Claude Chabrol, dont il composa les musiques de plus de la moitié des films. 28 au total, depuis celle des Bonnes Femmes en 1960 jusqu'à celle de Violette Nozière et pour finir du Cheval d'Orgueil, quand cessa leur collaboration en 1980 et non en 1973, comme il est dit par erreur dans l'émission que nous allons entendre. Dans la mémoire de leurs spectateurs, les souvenirs du boucher, de Que la bête meure, de La femme infidèle, de Juste avant la nuit ou des Noces rouges sont forcément empreints des compositions aussi troublantes que savantes de Pierre Janssen qui accompagnait jusqu'au bord de l'abîme les personnages incarnés par Jean Yanne, Stéphane Audran, Michel Duchossois, Michel Bouquet ou Michel Piccoli. En 2000, dans Carnet de notes, Philippe Langlois proposait aux auditeurs de France Culture de mieux connaître Pierre Janssen, salué à sa disparition dans le journal Le Monde par le compositeur et ancien directeur de la musique de Radio France et de France Musique, Marc-Olivier Dupin, comme un musicien d'une intégrité absolue et d'une exigence extrême, et aussi comme un enseignant de grande culture musicale et littéraire qui, avec son épouse, la pianiste Colette Zera, aura marqué plusieurs générations d'élèves et de jeunes musiciens. Carnet de notes, Tu vois ce que j'entends avec Pierre Janssen, une émission diffusée la première fois le 6 septembre 2000 sur France Culture. Pierre Janssen occupe une place à part dans l'univers de la musique de film en France. Né en 1930, il fait partie de cette génération de compositeurs qui a connu la montée en puissance du sérialisme de Schoenberg et son immense influence sur la musique d'après-guerre. En 1960, il rencontre Claude Chabrol, c'est le prélude d'une carrière en tant que compositeur de musique de film, menée également aux côtés de Claude Goretta, Francis Giraud, Serge Moati et Michel Mitrani. Marqué par ses études à Darmstadt, certaines de ses compositions empruntent un discours contemporain à contre-courant des règles traditionnelles de la musique de film. C'est ce que nous allons découvrir, notamment à travers la musique de Boucher, du Boucher de Claude Chabrol en 1970. Pierre Janssen. J'ai toujours pensé que je ferais de la musique de film, mais que je ne ferais pas que de la musique de film. J'ai fait une partie de mes études au conservatoire de Bruxelles, et des études classiques, notamment d'écriture, et j'avais un maître formidable qui s'appelait André Souris, et qui avait fait de la musique de film, avait écrit beaucoup de musique de film, notamment des films, des documentaires, genre de Renoir à Picasso, de ce genre. Et j'avais eu, vous imaginez un peu, à l'année où je faisais mes études, une formation déjà qui me préparait un peu à la musique de film. Une formation qui se bornait à dire faire de la musique de film, c'est très facile, il suffit de savoir écrire la musique et de savoir se servir d'un chronomètre. Donc j'ai toujours pensé que je ferais de la musique de film, mais que je ne ferais pas que de la musique de film. Pierre Janssen a donc reçu une éducation musicale classique. Après des études de piano à Roubaix, sa ville natale, les cours d'écriture d'André Souris à Bruxelles, il se rend à Darmstadt dans les années 50 pour y suivre les cours d'analyse d'Olivier Messiaen. Dans cette période d'après-guerre, au milieu des ruines de la ville, s'élabore la nouvelle musique de Pierre Boulez, de Karlheinz Stockhausen et de Bruno Baderna. Pierre Janssen découvre alors l'école de Vienne, le sérialisme de Schönberg, comme point d'ancrage à la nouvelle modernité. Mais il reste très attaché à l'héritage musical légué par Poulenc, Stravinsky et Ravel. Inévitablement, la cassure se produit avec l'avant-garde musicale. À partir de 1960, Pierre Janssen aborde le cinéma, ce sera avec Les Bonnes Femmes, le début d'une longue carrière avec Claude Chabrol qui dure jusqu'en 1973 avec Les Innocents au Mainsal. Pierre Janssen, les contraintes de la musique de film sont énormes. Il faut se plier au synchronisme, à la durée, et également, ce qui n'est pas la moindre chose, à la volonté du réalisateur. Mais j'ai l'impression que malgré toutes ces contraintes, vous êtes arrivé à imposer un certain style qui vous est propre, notamment dans Nos Rouges ou Les Innocents Mainsal ou encore oui, Le Boucher. Le Boucher et Juste avant la nuit. Et oui, La Décade prodigieuse. Ce sont les films qui pour moi me satisfont, la musique de film qui me satisfont le plus, ce sont celles-là. Maintenant, les contraintes de la musique de film ne sont pas des contraintes. La durée, les situations, la progression, ce sont pas des contraintes, c'est un outil. Vous savez, on a besoin de ça. Si je n'ai pas ces contraintes-là, je ne peux pas écrire une musique de film. La volonté du metteur en scène, ça, c'est une autre histoire. Parce que la volonté du metteur en scène, il est le dernier à savoir ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut, plus exactement. Il sait pas. Il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment l'obtenir avec la musique. Enfin, pas tous, vous savez. Quand je travaillais avec Chabrol, c'était pas le cas. Il savait vraiment ce qu'il voulait et il avait le respect de la musique. Alors Pierre Janssen, vous avez formé avec Claude Chabrol un tandem très fécond en expression artistique. Vous oui. avez collaboré sur plus d'une quinzaine de films. Oui. Comment se déroulait votre collaboration? Ah non, c'était très agréable. Hein. C'était très agréable. D'ailleurs, on travaillait comme on travaille habituellement. Vous savez, on va dans les salles de montage, on cherche les endroits où on met de la musique. Puis j'arrivais chez moi et puis je me mettais au piano, j'essayais de faire de donner à Chabrol, quand il venait chez moi, une idée de ce que j'écrivais. Mais ça faisait rigoler Chabrol parce qu'il comprenait vaguement ce que j'expliquais ou il comprenait même pas du tout. Et puis tout d'un coup, il l'entendait en enregistrement et ça se passait toujours bien. En fait, il vous laissait très libre. Il me laissait libre, oui, parce que c'était son principe. Hein. Il disait, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, peut-être parce que je ne fais plus de cinéma, que je ne travaille plus avec lui, mais c'était son principe, c'est de dire le cinéma est une création collective. Quand on s'adresse à quelqu'un, c'est qu'il connaît exactement son affaire, et s'il y a une entente préalable qui a pu se fixer, eh bien ça marche tout seul. Et c'était le cas. Thank you. parliez tout à l'heure des contraintes de la musique de film. Et moi, je vais vous parler des contraintes de la musique contemporaine. C'est pas aussi simple que ça. Il y a eu une dictature de l'école de Darmstadt, de dictature sérielle, entretenue en particulier, je pense, par les musiciens qui ont aidé à Darmstadt, qui ont formé la musique contemporaine, je pense Boulez et Stockhausen. Et il n'était pas question d'écrire en dehors de ces règles. Et un compositeur à l'époque se demandait toujours s'il avait le droit d'écrire ce qu'il écrivait. Mais en France, il y a eu aussi une dictature sérielle, et les compositeurs ne se sentaient absolument pas libres d'écrire ce qu'ils voulaient. Et j'ai fait partie de cette génération-là. Aussi, j'ai cessé d'écrire, plutôt que de souscrire à ces, ou d'adhérer, si vous voulez, à ces principes dictatoriaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait de la musique de film et j'ai cessé d'écrire de la musique en dehors du cinéma. À cette époque, vous vous sentiez d'inspiration, non pas sérielle, du moins pas d'un sérialisme pur. Si. Vous aspiriez à quoi à cette époque ? J'essayais, vous savez, je vais vous dire franchement, je pensais comme tout le monde à l'époque qu'il n'y avait pas d'autre issue pour la musique dite sérieuse que le sérialisme. Voilà, le sérieux et le sérialisme, vous voyez, c'est assez curieux. Je pensais qu'il n'y avait pas d'autre issue. Vous savez, c'était l'époque où on disait également le communisme et l'avenir de l'homme. Hein. C'est à peu près pareil, vous savez, je fais souvent la relation. On pensait qu'il n'y avait pas d'autre issue, que c'était ça qu'il fallait. C'était l'évolution normale. Que c'était l'évolution normale et que peut-être on était une génération sacrifiée. Vous savez, c'était pas drôle du tout. Et c'est pour ça qu'on pensait ça et j'ai essayé d'écrire cette musique. Et ça ne marchait pas, j'étais pas du tout satisfait de ce que j'écrivais. Et j'ai cessé d'écrire. Et la liberté, je la trouvais non pas dans cette musique-là, dans celle que j'avais envie d'écrire et que je ne pouvais pas, mais je la trouvais dans la musique de film. Vous voyez comme c'est paradoxal, mais comme ça peut s'expliquer. Lorsque Claude Chabrol réalise Le Boucher en 1970, il permet à Pierre Janssen de composer une musique très librement. Dès le générique, l'inquiétude, l'étrangeté musicale sont la prémonition des meurtres de femmes qui seront perpétrés. Pierre Janssen nous explique à partir de quels matériaux il a composé sa musique. Ah ben Le Boucher, vous savez, c'était fascinant. Il me disait, dans les provinces en France, dans la campagne française, on entend tout le temps des cloches. Ce qui est vrai, enfin un peu moins maintenant. Mais on entendait à l'époque, c'est vrai, on entend tout le temps. Alors il dit, moi, on entend les cloches, là-bas, dans le Périgord, où tournait le film. Et puis il dit, mais je voudrais qu'il y ait une espèce de transposition, qu'il y ait une espèce de qu'on transcende un peu ces cloches, et qu'elles baignent un peu tout le film, et qu'elles soient plus du tout réalistes. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette incroyable formation de cloche-tube, de vibraphone, de célesta, de harpe, de sitar à tire de ton. Oui, mais il n'y a pas que des instruments traditionnels. On trouve également une basse électrique, une guitare électrique. Une guitare électrique basse, oui. Oui. Non, vous savez, quand je pense à l'année où a été faite la musique du Boucher, c'était vraiment très, très, très audacieux. Hein. 1970. Ouais, et ben vous savez, et c'était une musique qu'on pourrait dire une musique contemporaine. Et c'est là où il y avait tout d'un coup l'influence de la musique contemporaine, de ce que j'avais pu apprendre à Darmstadt, de ce que j'avais appris avec Olivier Nessian d'ailleurs. Il y avait des traits de piano dedans qui n'étaient pas loin d'évoquer les chants d'oiseaux de Messiaen, vous savez. Et il y avait quelque chose de là. Mais je n'ai plus jamais refait ça après, je n'ai plus jamais eu l'occasion de faire ça. Et puis maintenant, on n'a plus du tout l'occasion de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cessé complètement et je ne veux plus entendre parler de musique de film. Alors, et là où cette musique me paraît également prendre ses distances, c'est justement au niveau du timbre. Et dès le générique, la musique, avec les images fixes où on voit des peintures rupestres sur les murs des grottes du Périgord, justement, puisque le film se déroule dans cette région. Oui. Cette musique avec ces images, cela crée tout de suite une distance incroyable qui permet au spectateur de pressentir qu'il va se passer quelque chose de terrible. Oui, c'est vrai, parce que dans ce Périgord, qui est un paysage on ne peut plus, c'est séduisant, n'est-ce pas ? C'est un paysage complètement séduisant, c'est un paysage magnifique. Tout d'un coup, on entend une musique agressive. On ne sait pas très bien quels sont les instruments qui jouent ça. On a un climat très particulier. Mais vous savez, c'est vrai. Et moi, j'avais très peur. Vous savez, quand on a enregistré ça, je me demandais ce qu'on allait entendre. Hein. Je vous assure, il y a un orgue électrique, il y a une guitare basse, il y a des tiers de ton. Il y a des vibraphones qui jouent à quatre mains. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un piano. Bon, pour quoi, parmi les... Il y a des xylophones aussi, je crois. Il y a des xylos, et puis des tas d'instruments à percussion. On dirait vraiment de la musique qui est la musique actuelle, contemporaine, telle qu'on l'entend maintenant, où le timbre, où le son est plus important que les rythmes et que les mélodies. Et c'était ma seule expérience dans ce domaine-là. La musique, qui ne se raccroche à aucun personnage au début du film, cerne progressivement l'auteur de ses crimes horribles, et ce jusqu'à faire corps avec lui. Telle l'enquête menée pendant le film, la musique resserre son étreinte sur le coupable au fil des indices qui se dévoilent. Dans la séquence finale où le meurtrier s'est poignardé, où il est conduit à l'hôpital, les gammes descendantes écrites en tiers de ton à la harpe et au clavecin créent une atmosphère aquatique relayée à l'image par l'eau qui s'écoule sur le bas-côté de la route, les larmes de Stéphane Audran, le sang et la sueur de Jean-Yann. Jean-Yann, dans une deux chevaux, avec Stéphane Audran, il s'est trucidé, là, il s'est ouvert le ventre, on l'amène à l'hôpital. Et il y a un dialogue pathétique où il explique le sang, ouais, c'est terrible. Dépêchez-vous. Ah, dépêchez-vous, il y a mon sang qui s'en va. Taisez-vous. Il faut mieux que je vous parle maintenant. Et moi, le bruit de la deux chevaux, pensez bien, cette séquence est très longue. On a très très vite estompé le bruit de la deux chevaux qui était un peu... Une fois qu'on a compris que c'était une deux chevaux, ça va, c'est pas la peine. Oui, ce qui permet aussi de mettre les personnages dans une espèce de bulle. Ils sont dans une bulle. Et moi, j'ai traité ça comme si c'était de l'opéra. C'est-à-dire que je tenais compte chaque fois qu'il y avait des silences dans le dialogue. Ce que c'est long. Et chaque fois qu'on parlait. Ce que c'est long. J'ai beaucoup de sang. Mon sang n'arrête pas de couler. Je connais ça, le sang. J'en ai tellement vu du sang. Du sang qui coulait. Quand vous étiez là, il n'y avait plus de sang. Je pensais plus au sang. Je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Mon sang arrête pas de couler. C'était fait d'une manière extrêmement minutieuse à une époque où on n'avait pas la vidéo. C'était assez difficile de faire, il fallait prendre des repères considérables pour écrire ça. Et chaque fois que le dialogue s'arrêtait, la musique pouvait faire entendre... Au fond, j'essayais de faire une musique toute mixée. J'essayais de faire musique comme si au mixage, on n'avait qu'à la faire passer et puis ne pas toucher les boutons pour faire passer le dialogue. Nous sommes arrivés. Comment petit à petit est revenu l'envie de recomposer de la musique Je vous ai parlé tout à l'heure de la dictature de la modernité, qui existe peut-être encore maintenant, mais beaucoup moins. Et maintenant, vous avez des jeunes compositeurs, par exemple, qui viennent de Finlande, par exemple, comme Lindberg. Lindberg peut dire ce qu'il était impossible de dire avant. Sibelius est un grand musicien. À l'époque du dodécaphonisme, Sibelius était considéré comme le plus médiocre musicien de toute l'histoire de la musique. Maintenant, on peut le dire. Alors, j'ai ressenti profondément cette liberté. Et c'est à ce moment, Vous savez, quand je ne voulais plus entendre parler de la musique contemporaine et que je faisais néanmoins de la musique de film, j'ai écrit une sonate de piano en si bémol mineur, c'est tout dire à quel point c'était presque provoquant, mais elle était gardée dans mes tiroirs, je n'osais pas la montrer. Et puis depuis, maintenant, je peux la montrer, on l'a même enregistrée dans le disque qu'on a fait de toute ma musique de piano. Mais à l'époque, je ne pouvais pas la montrer. C'était impensable. Dès qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas dans le système de la modernité, dans les comités de lecture, on vous refusait la partition. Une dictature. Alors je vous dis, maintenant, cette dictature s'est atténuée. Alors à ce moment-là, ça a pu correspondre. Je me suis dit, je peux écrire maintenant, je me sens libre d'écrire ce que je veux. J'ai plus envie d'écrire la musique de film, profitons-en. Mais vous savez, c'est une reconversion que j'ai faite. Mais une reconversion à l'âge où vous l'avez faite, c'est pas facile à assumer, je vous assure. Je vous assure, ça n'est pas facile du tout à assumer. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai. Pierre Janssen, extrait de sa pièce Éloge de la consonance, interprétée par l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Jacques Mercier, une œuvre au titre provoquant qui reflète les contradictions qui ont marqué le compositeur. Je remercie toute l'équipe de Radio France Drôme qui a établi la liaison téléphonique avec Pierre Janssen, ainsi que Delphine Baudet pour la prise de son. Mixage Ariane Herbé, réalisation Gilles Mardy-Rossian, tu vois ce que j'entends, une émission de Philippe Langlois. Cette émission a été diffusée la première fois le 6 septembre 2000 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.